L'homme n'a pas tellement évolué depuis qu'il est sorti des cavernes. Je ne pense pas qu'il évolue de si tôt. Juste un mémo, le temps de peser mes mots. Y'a pas de pour ou de contre, moi je veux juste poser mes mots. Écoute ma démo, mais putain c'est dément. Autour de moi c'est la ferraille, à croire qu'on leur sert dément. Tous plongés dans un avenir au goût rassis, que voici. Combien ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Trop facile de fermer les yeux, de faire semblant d'ignorer. Avec la rage qu'on a, je t'assure on ne peut que s'améliorer. Tout le monde a le droit de rêver, mais trop souvent c'est le cauchemar. Le poids de la douleur, lui, nous transforme en couche tard. Une touche car artisanale, depuis longtemps j'écris ce que je ressens. Pour moi c'est devenu banal, plus rien n'a de sens. On cherche la paix ou l'absence. Parfois je me perds entre néant et latence. Mais t'inquiète, je donne pas mon cul comme au lap dance. Chacun veut sa pitance, la tête au-dessus de la potence. Même abattu, je relève la tête, c'est dans ma nature. Chacun veut son statut, tourner en boucle dans la voiture. Ne vois-tu pas, je crache ma rage sur mes ratures. Le mal dans les parages ne t'étonne plus si tout le monde sature. Même abattu, je relève la tête, c'est dans ma nature. Chacun veut son statut, tourner en boucle dans la voiture. Ne vois-tu pas, je crache ma rage sur mes ratures. Le mal dans les parages ne t'étonne plus si tout le monde sature. J'suis prostré sur ma feuille postée. On a même plus le temps de se détendre ou de prendre une postée. Tout ghosté, jeune rêveur, alors on te met sur la touche. Va savoir ce qui les pousse à s'ouvrir les veines sous la douche. Donc je laisse crier mes HP, car cette vie est achetée. Certains se tournent vers le diable, car le bonheur ne peut t'acheter. Lassé, mes rêves attachés au bout d'un lacet. J'aime quand mon beat, le beat, la mélodie viennent s'enlacer. Je viens en placer une pour tous mes guerriers. Pas pour ceux qui viennent s'égosiller, leurs icards variés. Avaler leur couleuvre et ton cerveau est lavé. Le succès est tellement loin, fais pas comme si tu l'avais. Tout ça m'a bien gravé comme le commerce de la peur. Parfois trop spontané, j'écris ma rancœur avec le cœur. On reste face à nos malheurs, nos problèmes existentiels. Depuis 30 ans les pieds sur terre, ma tête réside dans le ciel. Même abattu, je relève la tête, c'est dans ma nature. Chacun veut son statut, tourner en boucle dans la voiture. Ne vois-tu pas, je crache ma rage sur mes ratures. Le mal dans les parages ne t'étonne plus si tout le monde sature. Même abattu, je relève la tête, c'est dans ma nature. Chacun veut son statut, tourner en boucle dans la voiture. Ne vois-tu pas, je crache ma rage sur mes ratures. Le mal dans les parages ne t'étonne plus si tout le monde sature.